Je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère. Jalouse et faux pas, je pourrais faire un faux pas. Tu m'as dit t'inquiète, je t'oublie pas. Tu m'as laissé comme ça. Parle pas si tu ne sais pas. Je suis ton frère, moi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Trop de gens qui bavent sur mon doigt, croire qu'ils savent pas que tout se sait. Trop de gens qui bavent sur mon flow, faut dire que ça sonne mieux quand c'est moi qui le fais. Personne me reconnaît sur ma moto, à force tourner les sangs, je les sifflais. Et quand y'avait les Schmitt au check, c'est crié à Raoult, ça sifflait. Oh, Jules, j'ai le sang de la veine, c'est ça. Oh, Jules, j'ai mon frère, je t'aime, c'est ça. Tes histoires, elles me font de la peine, c'est ça. Si tu veux les jaloux, je les ken, c'est ça. Quand on se parle pas tout se sent. T'as frappé ton pote. Deux secondes avant c'était ton frère. Il te reste des traces de sang. Que tu critiques, que tu me descends. De janvier à décembre. Ça forme des clans, maintenant on se parle plus. À la base on était tous ensemble. Tu veux trahir, ouais c'est ça. Fais gaffe à qui tu fais ça. Je me rappelle quand j'étais un chien. Le quartier est descend. T'as changé de veste. Mais qui tu veux tester? Je suis pas de ceux plein de zeste. Moi c'est gros joueur, va la sieste. Oh Jules, j'ai le sang de la veine, c'est ça. Oh Jules, j'ai mon frère, je t'aime, c'est ça. Tes histoires, elles me font de la peine, c'est ça. Si tu veux les jaloux, je les ken, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh Jules, j'ai le sang de la veine, c'est ça. Oh Jules, j'ai mon frère, je t'aime, c'est ça. Tes histoires, elles me font de la peine, c'est ça. Si tu veux les jaloux, je les ken, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Ouais. Je ne suis pas ton frère. Je te plains de mon frère. Je ne suis pas de fatigué. Je ne suis pas ton frère. Sur le grappeur à James. Wow, wow, wow, wow. Lé, lé, lé.